Apprendre tes erreurs et réfute tes certitudes. Prends-moi la main, je serai ton guide dans ta prise d'altitude. Aptitude infinie, n'oublie pas que tu es petit. Souviens-toi d'Icar, son écart lui a coûté la vie. Goûte au plaisir tout en restant mesuré. Enterre tes souvenirs entre les murs d'un mausolée, même muselé. Continue de marcher, de parler, de penser présent, car les regrets se conjuguent au passé. Laisse les avides posséder tant qu'ils veulent. La parure n'est qu'une vitrine épine dans le pied d'un cœur en deuil. Le pouvoir est un bruit pour sourds et pris de même. Une denrée périssable s'accordant mal avec le je t'aime. La justice des hommes, un baillon pour lèvres sanglantes. La pente que tu gravites te laissera toujours dans l'attente. L'homme fort n'est pas celui qui a les muscles, mais celui qui comprend et qui détient la vision juste. Tempère tes peurs, ce moteur qui tient en laisse, qui pèse sur tes humeurs et te rend accro au stress. Sois un chercheur de richesse qu'on ne peut pas coter en bourse. Amorce la bombe, car la jeunesse est force. L'effort doit être constant, non pas pour changer le monde, mais agir sur les ventes, son amélioration. Canalise ta haine pour construire ta révolte. L'élite républicaine qu'elle les révolte, les votes des indécis, tu ceux des insoumis. Prends-moi la main, je serai ton guide pour esquiver l'insomnie. Prends-moi la main, la conscience en éveil, introspection personnelle, perpétuellement apprenti. Ton monde se construit comme tu agis, alchimique et le rapport entre l'intime et autrui. Altruiste avec un brin de soi. Les soirées sans but, en proie au doute, à questionner ta foi. Marche et vois, comprends ce qui en toi est loi. Accomplis tes rêves sans trêve, donne de la voix. Apprends tes erreurs et réfute tes certitudes. Prends-moi la main, je serai ton guide dans ta prise d'altitude. Crée-toi ta propre opinion, loin des stéréotypes. Des dires des types frustrés par leur manque de réussite. Et la pression de l'entourage fera sentir. Ils voudront de toi ce qu'ils n'auront su accomplir. Les grands de ce monde ont souvent pris les sentiers battus, loin de ceux qui au début pour eux étaient prévu. C'est souvent en outrepassant le cadre établi que les choses avancent, que la justice est rétablie. Beaucoup parleront dans le vent, te trouveront incompétent, tant pis pour eux, sinon que ça à faire de leur temps. Ton libre arbitre prédomine sur ce que les gens pensent. Crois-tu que la carotte puisse être ton unique récompense? Ceux qui te découragent et n'ont pas de face resteront sur place, puis reviendront gratter pour refaire surface. Les galères peuvent te construire plutôt que t'anéantir. Prends-moi la main avant de te sentir partir. Fais-toi violence quand la réalité t'échappe. Fais-toi confiance, tu verras que tout se rattrape. Le poids du passé n'est pas aussi lourd à porter. Pour chaque entité, c'est ce qui crée ton identité. Qui peut savoir mieux que toi où se trouve ton ossature? Sûrement pas moi, sûrement pas lui, ni ceux qui gâchent leur futur. Prends-moi la main. Prends-moi la main, la conscience en éveil, introspection personnelle, perpétuellement apprenti. Ton monde se construit comme tu agis, alchimique et le rapport entre l'intime et autrui. Altruiste avec un brin de soi. Les soirées sans but, en proie au doute, à questionner ta foi. Marche et vois, comprends ce qui en toi est loi. Accomplis tes rêves sans trêve, donne de la voix.